La Louve de Paul Féval. Tome 2, Valentine de Rohan. Première partie, La petite Cendrillon. Chapitre 1, Le Boudoir. Les pierres racontent, dit-on, l'histoire des catastrophes dont elles furent les témoins. L'antique manoir de Rohan-Polduc avait été témoin des deux tragédies qui furent comme le prologue de notre présent drame. L'expulsion de César de Rohan avec sa jeune femme et son fils, la malédiction de Valentine de Rohan portant sa fille dans ses bras. César de Rohan était mort de cela. Et Valentine de Rohan aussi, peut-être. Guy, comte de Rohan, leur père, jeté lui-même hors de sa demeure par la trahison d'Alain Polduc, était parti seul sans tourner la tête, laissant derrière lui ce double et terrible châtiment. Depuis lors, les gens de la contrée ignoraient ce qu'était devenu le comte Guy, cet implacable vieillard, dur comme les héros de la légende celtique. César, sa femme et son fils passaient pour morts. Nul ne savait le sort de Valentine ni de sa fille. Mais le manoir ne racontait rien de ces lugubres choses. Au contraire, la physionomie autrefois si sombre de ces vieilles pierres s'essayait maintenant à sourire. On avait fait ce qu'on avait pu pour égayer ces noires murailles dont la vétusté faisait honte à leur nouveau seigneur. Monsieur le sénéchal de Bretagne, que nous appelions autrefois maître Alain Polduc, et qui faisait en ce temps-là profession d'humilité, était maintenant un personnage d'importance. Il ne se contentait plus de vivre en maître dans la maison où nous le connûmes valet, et ne cachait point qu'il aurait mieux aimé la demeure moderne, toute blanche et toute carrée, de monsieur son beau-père, l'intendant Feydeau. Mais l'intendant gardait pour lui sa demeure. Du vivant de sa fille aînée, femme d'Alain Polduc, transformée en vicomte de Rohan depuis qu'on l'avait institué sénéchal, Achille Musée Feydeau de Brou, intendant royal de l'impôt pour la province de Bretagne, vieillard ridicule qui mettait sa gloire à copier les mœurs de la cour du régent, avait éloigné de lui dès longtemps ses deux plus jeunes filles pour les placer auprès de leur sœur. Maintenant que le sénéchal était veuf, Agnès et Olympe Feydeau restaient au manoir du consentement de leur père, lequel menait en son château, seul et sans contrainte, sa vie de vieux céladon. Elles étaient comme les filles d'adoption du sénéchal, qui postulaient auprès du Parlement pour leur faire porter le nom de Rohan-Polduc. Pas n'est besoin de dire à ceux qui se souviennent de maître Alain et de son excellent caractère que monsieur le sénéchal espérait bien trouver son compte à cela. L'intendant et le sénéchal étaient, du reste, les deux doigts de la main. Phitias et Damon s'aimaient d'une amitié moins tendre. Depuis 20 ans, ils faisaient ensemble des affaires extrêmement délicates, et jamais ils ne se querellaient devant témoins. C'est là le sublime de l'amitié entre spéculateurs. Au temps où maître Alain était majordome chez son noble cousin, le comte Guy, son rôle avait été d'aider à la ruine de l'irascible vieillard, et de faciliter au contraire l'agrandissement des domaines de Feydeau. Grâce à lui, les futaies de Rohan, ses fermes, ses guérets, avaient passé peu à peu, et moyennant vil prix, entre les mains de l'intendant royal. Pour avoir le manoir lui-même et les domaines inaliénables, il avait fallu jouer un autre jeu. Et nous venons de faire allusion au drame de famille qui priva de ses deux héritiers, le comte Guy, dont la fièvre politique s'était changée en folie par suite des excitations de maître Alain. La trame était simple, quoique savamment ourdie. Aucun fil ne se rompit. Une fois le vieux Rohan, exilé ou mort, et ses enfants disparus, maître Alain Polduc fut amplement récompensé de ses peines. grâce au crédit de son beau-père, il fut nommé sénéchal, et son beau-père lui-même, ayant mission par sa charge d'intendant de juger les conflits de noblesse, put le coucher sur un registre en qualité de vicomte de Rohan. C'était assurément beaucoup pour un gars du pays de Tréguier, qui était arrivé dans la Haute-Bretagne avec ses sabots pleins de paille et sa veste de futaine. Mais monsieur le sénéchal demandait davantage. Feydeau était 8 ou 10 fois plus riche que lui. Cela lui donnait de l'émulation. Il prétendait à la lieutenance de roi et voulait pêcher encore en eau trouble 1 ou 2 petits millions avant le soir de sa vie. Quelqu'un qui serait revenu au pays après 15 ou 20 ans d'absence aurait eu de la peine à reconnaître l'abord sauvage de la maison de Rohan. Les douves, comblées dans tout leur parcours, s'étaient changées en parterre. Une allée de tilleuls taillée en boule coupait la pelouse à son milieu et conduisait au perron. Chaque tronc de tilleul s'entourait d'un buisson d'épines auquel la cisaille avait donné la forme d'un vase. Les murailles avaient été replâtrées. Les moulures vénérables de la maîtresse porte s'empâtaient sous une triple couche de peinture verte. La partie du château qui tombait en ruine se relevait, et vous n'eussiez retrouvé sur la façade de l'ouest que le vieux balcon de granit conservé intact comme curiosité. À l'intérieur, même changement. Le pauvre grand salon d'honneur, séparé en deux par une cloison, ne gardait rien de sa sévère magnificence. La fille aînée de l'intendant Feydeau l'avait trouvé trop long, trop large et trop triste. Les deux pièces qui le remplaçaient n'étaient pas tout à fait à la mode de la cour, mais leur ameublement Louis XIV n'en faisait pas moins, avec l'architecture gothique, le contraste le plus malheureux. Par les croisées, au châssis renouvelé, on apercevait la terrasse grattée et blanchie, ainsi que le jardin dont tous les arbres avaient été proprement émondés. Nous le répétons parce que c'est justice, on avait fait ce qu'on avait pu. Il y avait entre cette maison bien tenue et l'ancien manoir la même différence qu'entre le visage noble et triste du comte Guy et le menton rougeau, rasé de frais, de monsieur le sénéchal, son ex-majordome. La partie occidentale du manoir, à cause de son aspect plus moderne, avait été choisie par les demoiselles Feydeau. Elles y faisaient leur demeure. La dernière chambre, située au bout du corridor, celle qui donnait sur un balcon de granit en saillie, d'où l'on apercevait la vallée de Vesvres, leur servait de boudoir commun. L'histoire légendaire de ce balcon est racontée dans notre précédent récit, La Louve. Les demoiselles Feydeau étaient parisiennes, riches, jeunes. Il y a toujours quelques lueurs de goût chez la jeunesse à qui rien ne coûte. La retraite favorite d'Olympe et d'Agnès était charmante. Vous eussiez dit un observatoire gracieux et brillant où les deux belles paresseuses venaient s'étendre sur leur sofa de velours, parmi les draperies roses, les peintures coquettes, les fleurs débordant hors des grands vases de Chine pour regretter Paris en face de la campagne admirable. C'est dans le boudoir des filles de Feydeau que nous conduirons tout d'abord le lecteur. Seulement sur le sofa de velours qui faisait face à la fenêtre, nous ne trouverons ni mademoiselle Agnès, ni mademoiselle Olympe, ni même leur pauvre petite compagne céleste qu'on appelait dans le pays la Cendrillon du manoir de Rohan. Céleste était dans sa chambrette, hâtant sa besogne et mettant la dernière main aux toilettes de ses demoiselles. Car ces demoiselles devaient faire toilette ce soir, grande toilette. Il y avait fête à Rennes, au palais du gouvernement, pour la réception officielle de Monseigneur le comte de Toulouse, redevenu gouverneur de Bretagne après plusieurs années de disgrâce. Céleste avait des doigts de fée. Olympe et Agnès pouvaient compter sur elle. En attendant, elles étaient au salon, faisant les honneurs du château à de nombreux invités et se laissant appeler par flatterie anticipée mesdemoiselles de Rohan, gros comme le bras. Sur le sofa du boudoir, monsieur l'intendant et monsieur le sénéchal causaient en tête à tête. Maître Alain Polduc n'avait point changé notablement. Il était plus gros et paraissait plus court. Ses épaules dodues étaient au plein de son habit de velours ponceau. C'est à peine si ses cheveux plats et rares commençaient à grisonner. Ses prétentions aux belles manières avait naturellement grandi. On le voyait bien à l'élégance de sa mise. Sous l'habit de velours ponceau, il y avait en effet une veste de satin bleu de ciel qui battait, rattachée à l'aide de boutons en diamant, sur une culotte de taffetas vert tendre. Les boucles de ses souliers à talons éblouissaient. Sous son double menton et autour de ses poignets, ruisselaient des flots de dentelle. Comme on peut le penser, tout cela formait un ensemble des plus satisfaisants au point de vue comique. Et pourtant, monsieur le sénéchal ne prêtait point trop à rire, parce que son large visage, intelligent dans sa laideur, avait une expression inquiétante. On devinait dans ses petits yeux méchants l'expérience et la science d'un coquin émérite. L'excellent sourire qui ridait l'embonpoint fleuri de ses joues ne cachait pas assez le sang-froid résolu du spoliateur. Mais un type charmant, complet, tout d'une pièce, c'était Achille Musée-Feydeau, seigneur de Brou, du Mont et de la Muette, intendant royal pour la province de Bretagne, ancien disciple d'Apollon et vieilli au service des dames. Achille Musée pouvait bien avoir 60 ans, mais les efforts réunis de son barbier, de son dentiste et de son valet de chambre lui promettaient une jeunesse éternelle. Considéré de près, son visage offrait tout l'attrait d'une œuvre d'art. Ses yeux d'un bleu terne et un peu vitreux avaient des cils rechampis au pinceau. L'encre de Chine, habilement employée, allongeait leurs fentes trop courtes et leur donnait du caractère. À droite et à gauche, à la hauteur des tempes, il y avait un empattement hardi qui dissimulait deux écheveaux de rides. La brosse, enduite de noir de fumée, restaurait chaque matin la courbe galante de ses sourcils. Quelques boucles perdues de sa noble perruque à la Louis XIV venaient jouer adroitement sur les plis de son front qu'elle dissimulait à merveille. Ses lèvres, passées au carmin, faisaient ressortir la blancheur de 32 dents savoyardes achetées à beaux deniers comptant. Ses perles montées en perfection donnaient à son parler un gazouillement enfantin plein de charme. Achille Musée n'avait garde de tomber dans les mêmes barbarismes de toilette que son gendre. Son accoutrement était irréprochable et sentait vraiment l'homme de cour. Il était haut sur jambes, comme l'oiseau symbolique des hiéroglyphes de Memphis. Il avait le torse un peu voûté et très court. Assis nonchalamment comme nous le trouvons aujourd'hui sur un sofa de boudoir, il portait ses genoux croisés à la hauteur de son menton. Dans sa main gauche peinte en blanc, au doigt de laquelle brillait un solitaire de la plus belle eau, une boîte d'or enrichie de perles fines tournait gracieusement, sollicitée par les doigts de sa main droite, également couverts d'une couche de peinture fraîche. Il aurait fallu faire tout Paris pour trouver un financier retouché plus savamment. « Je vous ai amené ici, monsieur l'intendant, disait le sénéchal, parce que ma maison est pleine et que nous avons besoin de causer en paix. « Eh mais !» fit Achille Musée-Feydeau de Brou, en secouant son jabot avec tout plein de grâce. « Vous n'avez pas besoin d'excuses. Un boudoir, cela me connaît, mon gendre. » Alain Polduc fit mine de le regarder avec admiration. « Vous êtes bien positivement l'homme de votre siècle, » s'écria-t-il. « Et les compagnons de monsieur le régent ne sont que des novices auprès de vous. »« Hé hé !» ricana le financier. « J'avoue que sur la route de la vie, j'ai laissé les épines pour ne cueillir que les fleurs. » Charmant. Mais vit-on jamais chose semblable? Les fâcheux nous poursuivent dans ce château avec un acharnement tel que nous sommes réduits à conspirer jusque dans le boudoir de vos filles. Achille Musée chiffonna le bout de son jabot en homme d'Isère qui va soutenir une thèse mignonne. Mon gendre, répliqua-t-il, conspiration et boudoir ne s'accordent pas mal ensemble. Voyez la fronde. J'ai rimaillé jadis, ajouta-t-il en se renversant sur les coussins, alors que j'occupais mes heures perdues à la culture des belles lettres. J'ai rimaillé, tant bien que mal, un petit conte à la façon d'Italie, intitulé « Le boudoir conspirateur ». Le titre est assez piquant, que vous en semble. Charmant, répéta Alain Polduc. N'est-ce pas? Mais je croyais que nous n'étions pas ici pour conspirer, monsieur mon gendre. « Nous sommes ici pour convenir de nos fêtes. Il en est grand temps, monsieur mon beau-père. Nous sommes menacés par les événements. Et il y a des jours où je pense qu'à force de nager entre deux eaux, on finit par se noyer. Nous ne nageons pas, mon gendre, répliqua l'intendant. Nous sommes en terre ferme, Dieu merci. Nous avons un pied à la cour de France, un pied à la cour d'Espagne, voilà tout. Mon beau-père, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Aussi bien longtemps déjà que nous n'avons fait à monsieur le régent aucune agréable surprise.